et qu'on boycottait les journées portugaises parce qu'on n'a pas les moyens. Et puis, c'est vrai qu'il y en a qui sont mobilisés depuis longtemps, qui se fatiguent, mais c'est aussi vrai que chaque jour apporte de nouvelles raisons d'être mobilisés. Nous, en LEA, par exemple, on a appris l'ouverture de la Maison des Langues, et on a aussi appris qu'un de nos postes qui est parti en mutation a été transféré à la Maison des Langues. Et pour moi, ça, c'est une autre raison d'être mobilisé. Parce que nous, on a déjà dit qu'on recrutait plus de vacataires, et là, on voit qu'un poste titulaire va être utilisé pour, on ne sait pas, on a une idée de ce qui va se passer. En fait, le gouvernement a décidé que tous les étudiants doivent avoir une certification en langue, mais une certification assurée par une boîte privée, et notamment en anglais. Donc, l'anglais va être certifié par le TOEIC et tous les étudiants, mais en première ligne, les étudiants en LEA vont être obligés de passer le TOEIC. Mais comme ça va certainement se faire à moyen constant, ce sont les enseignants d'anglais d'ici qui vont être obligés d'assurer cette tâche gratuitement pour une boîte privée américaine ou internationale. Et là, on n'est pas d'accord du tout. Et moi, honnêtement, pour faire quelque chose, moi je propose qu'on aille à la réunion qui est d'information le 7 février à l'Amphi Darwin et qu'on se présente et qu'on pose des questions à la direction de l'université. Comment se fait-il qu'on a des projets sans avoir des postes? On refuse à ce qu'on ampute nos postes ici, qu'on prend tous nos moyens pour renflouer les caisses des boîtes privées américaines ou ailleurs. Et je pense qu'on devrait marquer le 7 février rendez-vous à l'Amphi Darwin pour dire à la direction de l'université ce qu'on pense de leur projet. Voilà.